Bonjour tout le monde, vous écoutez les amateurs de Mac, bonsoir. Bonjour, on était silencieux parce que c'était le thème musical que les gens qui nous écoutent à partir de l'application mobile auront entendu, mais malheureusement, on n'a pas réussi à le pousser dans Spreecast. C'est pas grave. Ah, écoute, on peut-tu faire un recommencer? Juste pour... Hey, MC... MC Malheur, là. Juste 10 secondes pour l'essayer, là. Je pense que j'ai réglé le problème. Ice Malheur, là. Je pense que j'ai réglé le problème. On laisse essayer. Ice Malheur. Bon, vas-y, là. Bon, ben là, refais ton intro. Vous écoutez les amateurs de MacBoy. C'est quoi ce show-là, là? Ah ouais, part la musique. Tu commences, on est en ligne? Oui, on est en ligne. Bonjour tout le monde, vous écoutez bien les amateurs de Mac, bonsoir. Ce show, commandité par le Fuzzy de Laval et... Non, de Trois-Rivières. Ouais, de Trois-Rivières et notre MC maison, MC Miller, qui sera au console ce soir pour vous, mesdames, toute la soirée. Jusqu'à 3 du matin. C'est le Ladies Night. En fait, non, raccrochez pas. Vous écoutez bien ce show de questions-réponses à propos du monde de Apple où vous fournissez les réponses, les questions, c'est-à-dire, et nous, on essaye de fournir les réponses. Et on fournit même un code promo pour certaines applications. Des applications iPhone, pour iOS, iPhone, iPad, et même pour le Mac. Cette semaine, Vincent, est-ce qu'on a des codes d'application ou on... va falloir checker dans nos vieux restes? Y a-t-il une musique genre d'entrée, ta-ta-tan? Non, y a ton criquet, par exemple. Oui, c'est ça. Y a une porte? On va pouvoir faire des sketchs des grandes gueules. C'est quoi les codes cette semaine? Cette semaine, on a je pense deux codes de AirPrint, de Air Air Display. Puis on va s'en garder pour la prochaine fois là. Ou sinon, je pense qu'on a-tu un Clean My Mac et qu'il nous reste un Clean My Mac? Oui, c'est vrai, il nous reste un Clean My Mac aussi. Et j'ai des applications. S'il y a des papas qui nous écoutent, ou même des mamans, là, ça se peut, mais majoritairement, notre auditoire, à part ma blonde assise en avant, là, est majoritairement composé de fanboys. Donc, j'aurai, pour ceux qui sont papas, je sais que Louis a une petite fille, des codes pour des applications, pour des histoires. Pour enfants, des trucs, des applications pour les gosses. Ouais. Fait que on pourra donner ça aussi un petit peu plus tard s'il y a des questions. Et on peut commencer tout de suite. En fait, non, il y a d'autres choses à faire. Là. Oui, il y a d'autres choses à faire. Là, ouais. Là, j'ai pas fait ça pour rien. Là. Let's go. on suit. Tout le monde est en train de poser des questions dans le chatroom. « Hey, je veux une application! » D'abord, on aimerait vous rappeler qu'il y a un concours en ce moment pour gagner un Smart Cover vert pomme, qui est une offre de notre ami Jonathan Laberge sur Twitter, qui a sa petite compagnie de distribution de housses. Et s'il y avait une housse avec une batterie dedans, c'est ce que j'utiliserais, mais j'utilise un Mophie Juice Pack, sauf que notre cher ami de iPlanet Pod nous a offert ce Smart Cover. Et pour ceux qui sont avec nous depuis un certain temps, vous le savez, mais pour ceux qui se joignent à nous, chaque mois sur le site de Mac Québec, jusqu'au moins au mois de mai, juin, juillet, là, quelque chose comme ça, on aura un concours de quelque chose de pas mal intéressant. Pour les deux prochains mois, ce sera un Gorilla Mobile Ori de la compagnie Joby. Et c'est pour ceux qui nous écoutent, vous ne le verrez pas, mais tiens, prends une capture d'écran. Vincent, que tu pourrais rajouter au podcast. C'est ça ici. Ben là, je suis pas seté pour un print. Ouais, ben, je l'ai fait. Tu l'as fait? Bon, c'est bon. C'est bon. Fait que c'est ça ici. Et c'est une excellente housse, tout en aluminium, super belle, qui est d'une valeur de 70$, qui fonctionne super bien. Puis si on regarde là, ici, elle semble avoir assez bien protégé mon iPad parce qu'elle est kinky. Là. Elle a mangé un coup en quelque part. C'est pas que tu t'as fait avec. Ouais, je suis pas obligé d'avoir fait quelque chose avec. J'ai deux enfants. Ah, OK. Donc, ça a bien protégé. Puis ça sert de support aussi. C'est comme un peu un Transformers qu'on peut monter différemment. Et puis, on va avoir aussi... Ah non, le mois prochain, c'est vrai, c'est pas les Gorilla Mobile. C'est un Kensington Folio. C'est donc une housse pour iPad aussi, mais avec le clavier Bluetooth intégré. Et c'est notre ami Mario Gaucher qui est en fait d'une aide précieuse sur les forums de Mac Québec qui nous l'a offert. Donc voilà, on vous en parlera un petit peu plus tard. D'ici là, vous avez encore, je pense qu'on est rendu, on est presque à 30 participations pour le Smart Cover. Le Smart Cover. Donc, d'ailleurs, je vous ai diminué les chances des 30 personnes parce que plus il y a de participants, moins vous avez de chances de le gagner. Parenthèse, j'ai fait une mise à jour pour aider un peu, pour que ce soit un peu plus facile là, pour s'inscrire au concours. Là. On avait comme un label. Fallait mettre 1, 2, 3, 4, 5. Je les ai séparés pour que ce soit un peu plus clair. Vous allez voir, si vous allez vous inscrire, ça va être un petit peu plus clair. Là. Ou si vous allez juste consulter le site, ça change un petit peu. Là. On a aussi fait, bien évidemment, on ne demandera pas aux gens de participer, mais on a fait une petite mise à jour. On a rajouté la case là, qu'il y a partout, mais nous autres, on l'avait oublié, qui est la case que vous cochez si vous voulez vous abonner à l'infolettre de Mac Québec pour être informé en fait, des prochains concours puis de tout ça. Donc, voilà pour la portion concours de Mac Québec. Messieurs, est-ce que vous avez des coups d'os et des coups de 12? Pensez à rien, là, à matin, quand vous êtes levé, jus d'orange, non? Ben, moi, mais ça, c'est au début de la semaine avec l'affaire Oasis, là, comme on pourrait l'appeler, là. Le monsieur, comment il s'appelle déjà, le boss de Oasis là, qui était partout? Là. Gattuso? Ouais, Gattuso, c'est ça. Ouais, c'est vrai que ça, c'était quand même un gros fail monumental de la semaine. Là. Je trouve que c'est pas un fail tant c'est qu'à un, moi. C'est un coup de dose, puis c'est un coup de dose en oui, même temps. Oui, exactement. C'est coup de dose pour A la sonde. Parce qu'il faut nommer la compagnie qui est au-dessus de tout ça, qui s'appelle A la sonde, qui, eux, ont intenté les poursuites judiciaires envers cette petite compagnie qui, on l'espère... Olivier Oasis. Oui, c'est ça, mais on espère que le nom va changer pour quelque chose de plus francophone, là, histoire de dire l'Oasis d'Olivia, là, ça pourrait aussi passer pour du savon à l'huile d'olive. Mais moi j'ai fait une couple de recherches. D'abord, si vous marquez A la sonde dans Google, vous allez vous rendre compte que A la sonde, c'est pas juste les produits Oasis, c'est aussi les produits Orange Maison, c'est aussi les produits Canton, c'est aussi les produits Freshly, ouais, Rougemont. Donc, c'est important de faire attention à ce genre de trucs-là parce que si vous achetez du Orange Maison, à la place du Oasis, eux autres, ils vont juste faire « Ouais, ben, tu sais, cette colonne-là a descendu, mais cette colonne-là a monté, fait que c'est pas grave. » Fait que, mais je pense que c'est important de donner une leçon, peut-être, ou en tout cas de leur montrer que, tu sais, acheter, c'est voter, mais en même temps, il y a des gens qui disent « Hey, non, moi, je veux plus boire de Oasis pour le restant de mes jours, tu sais. » C'est pas vraiment mieux d'acheter du Tropicana, tu sais, compagnie de Floride, sous l'égide de Coca-Cola, pour le restant de ses jours. Et... Oui, mais il faut dire aussi que Tropicana, il faut dire aussi que Oasis, ben la sonde, maintenant, cette semaine, quand il a passé à Paul Arcand, il a dit que mais c'est pas juste maintenant Nord-Amérique, les oranges, là, il y a beaucoup d'oranges qui viennent de la Chine. Ah oui? Oui. Parce qu'on n'a pas, on a beaucoup, mais la Chine en a encore plus que nous. Fait qu'il importe des oranges de la Chine. Fait que... Moi, j'ai lu déjà qu'il en faisait beaucoup, beaucoup au Brésil. Oui. Et pour ceux qui veulent fouiller un petit peu plus la question, puis peut-être se rendre compte que du jus de compagnie comme ça, c'est du jus process, là, c'est du jus... Tu sais, c'est fait en grande quantité, puis je sais pas si vous vous souvenez, là, mais la bouffe de cafétéria à l'école, même si on vous disait que c'était le même nom que la bouffe que maman vous faisait à la maison, ça n'a jamais le même goût, là, tu sais, quand on en fait en grande quantité. Il y a un documentaire fait par une réalisatrice torontoise, dont j'oublie le nom, mais qui s'appelle Squeezed, what you don't know about orange juice. Donc, c'est le titre, Squeeze What You Don't Know About Orange Juice. Et là-dedans, on apprend, en fait, on a des images assez dégueulasses de jus process comme ça. Imaginez, en fait, si vous regardez un documentaire sur la viande, où est-ce que, évidemment, là, tu sais, on la tue, la viande, là, c'est sûr. Ben c'est sûr que de voir comment ils préparent le beau steak qu'on mange, qui est tout rouge, ça peut saisir, ben imaginez, en fait, que ça va vous donner exactement le même sentiment du côté du jus d'orange, parce que l'espèce de mixture qu'ils ont avant de fournir, c'est gris. C'est du jus, mais gris. C'est de l'eau. Ça ressemble à de l'eau sale, tu sais. Puis, pour y donner le... Ben non, pas nécessairement. C'est juste que les oranges sont pas si hot que ça, là. Tu sais, c'est beaucoup d'eau puis tout ça. Et après ça, il y a des chimistes qui sont des espèces d'équivalents de parfumiers qui arrive et qui rajoute en fait ce qu'ils appellent le flavor pack, qui est en fait là, t'sais, le goût qu'ils vont donner au jus d'orange. Puis, bon, évidemment, en essayant de bouger les choses sur Twitter, je me suis fait dire, ouais, mais ta compagnie fétiche, le gros, elle aussi, elle bully du monde, parce que c'est clairement ça, là, c'est du bullying corporatif. Et effectivement, je pense qu'ils sont encore en cours, mais il y a deux poursuites de Apple qui envers des restaurateurs qui ont pour logo une pomme. Il y en a un, c'est un logo d'une pomme écrit comme au crayon de cire. Là. C'est quelque chose de très, très simple. Le restaurant s'appelle Apple a Day, donc une pomme par jour. Et l'autre restaurant, c'est comme si le logo d'Apple avait couché avec le logo d'LG. Ça avait fait une espèce de peinture impressionniste en forme de pomme. Puis je me souviens plus du nom du restaurant, là, mais il y a donc deux restaurants que Apple pousse à se débarrasser du nom d'Apple. Fait que c'est pas juste envers Oasis. Puis j'en discutais avec un ami aujourd'hui. J'étais là, mais je fais quoi? Tu sais, je fais comme Dean, je vais m'acheter un Android, tu sais. Puis, tu sais, bon. Compagnie américaine, là, ils sont déjà. On le savait que c'était des pas bons, mais pour Oasis, on peut être ici, puis on peut y faire quelque chose, puis on peut ne pas boire leur jus le matin, puis tout ça. Puis mon coup d'os, ben ça va aller au gars des Mystérieux Étonnants, pour ma part, qui m'ont gracieusement accueilli avec toute l'hospitalité dont ils sont capables lundi passé. Je sais que JF a écouté. J'ai bien fait ça, JF? Oui, très bien. Oui? Ben, j'écoute assez souvent le lundi soir, fait que c'est à peu près 5h30, l'heure que j'arrive à la maison, fait que je suis tout le temps tout seul à cette heure-là, fait que je l'écoute, là, fait que... Allô? Oui, c'est ça. Ben, c'est un excellent show. Et puis, je suis allé parler un petit peu de Sherlock Holmes, là-bas, la série britannique avec Benedict Cumberbatch. J'aime ça dire son nom. Donc, voilà, on a passé un excellent moment. Et puis, Frank de Tank de l'Analyse était là aussi. Il revenait de PAX. Mm. De son nouveau jouet, cet homme de bientôt 30 ans ou de 30 ans. Il s'est acheté un fruit fucker à PAX. Quoi? Un fruit fucker? Ben, PAX, c'est Penny Arcade Expo. Ouais. Puis, un des personnages les plus terribles dans l'univers de Penny Arcade, c'est un extracteur à jus robot qui est surnommé fruit fucker. C'est okay. Pas très bien. Je veux dire, quand on y pense... d'ailleurs, parlant d'extracteur à jus, super bonne technique pour... boycotter Oasis. Là. Mais voilà, il nous présentait son fruit fucker. Puis toi, Vincent, t'en as jamais des coups d'os puis des coups de douce? Toi, c'est tout J'en donne des fois, mais écoute, J'ai pas... T'as-tu écouté Enquête il y a 20 minutes, non? Non, c'était quoi? J'étais ici il y a 20 minutes. Pendant que toi, t'écoutais Enquête, j'étais ici il y a 20 minutes. Ouais, ça fessait assez fort. C'était sur quoi? Sur tout point TV. Ben, financement, en vite, là? Tout le kit. Là, ils ont sorti des noms puis des affaires. Okay. Pis, pour la regarder. Ouais. Fait que voilà. Mais là, si on commençait à parler de choses plus sérieuses. Ben moi, je voulais juste parler quelque chose avant, deux petites secondes. Ouais. Apple ont sorti une troisième mise à jour de Java en fin de soirée, vers les 4h30 environ, qui corrige définitivement le problème du Trojan Flashback. Fait que en installant cette mise à jour là, ça va l'enlever aussi automatiquement de votre système si vous êtes infecté. Ah. Ouais, c'est ça, il l'enlève automatique. On va en reparler la semaine prochaine dans le podcast parce qu'on n'est pas trop d'accord avec Apple qui font des mises à jour qui enlèvent les trojans, les virus. Là, en tout cas, on en a parlé un peu avant le show, là, mais on va revenir la semaine prochaine là-dessus. Là, on n'était pas trop d'accord. Fait que, on était partagés, disons. On était partagés, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon. Donc, mais quand même, ça nettoie l'ordinateur, là, mais ouais. Bon. Ça aurait pu être une petite application à côté, tu sais, que tu télécharges, puis tu fais « oui, je le veux », puis ça le fait. On voudrait aussi, pour ceux qui se posent la question, c'est sûr que c'est pas le podcast Mac Québec, mais pour les probablement deux prochains mois, notre ami Bernard ne sera pas avec nous. Il prépare un voyage en Europe, donc ça lui demande tout son temps. Et puis, on espère l'accueillir frais et dispo dès son retour mois de juillet ou environ, chose comme ça. Et on va peut-être essayer d'ici là, par contre, s'il y a son équipement avec lui, de faire un podcast transatlantique. Donc, on va regarder ça à un moment donné. Et puis, finalement, avant de commencer dans le vif du sujet, on aimerait vous parler, en fait, de lesmac.com. qui est le nouveau service de vente en ligne de Mac Québec. Donc, vous pouvez aller sur lesmac.com et y mettre vos appareils à Apple, que ce soit, je ne sais pas, vous venez d'updater votre Airport Express au dernier modèle N, puis vous voulez vendre la G, vous avez des adaptateurs mini DVI à n'importe quoi qui traînent dans vos tiroirs, ou vous voulez un peu comme GF se débarrasser de votre ancien MacBook parce que vous en avez un tout nouveau, bien, vous pouvez aller sur lesmac.com. L'inscription, en fait, des produits est gratuite. Et ça commence tranquillement. Là. On n'avait pas lu que Louis Lemieux de RDI, RDI le matin, avait mis quelque chose là-dessus. Son iPad 2. Voilà. Il y a Dominique Duval aussi qui avait mis son Apple TV 2 sur les Mac. Excellent. En fin de semaine, je vais mettre mon... mais en fin de semaine, je vais mettre mon MacBook, mon ancienne fan nucléaire qui nous dérangeait pendant les podcasts. Fait que... Juste une chose à Benoît qui est dans le chat, c'est les Mac, mais il n'y a pas de S à Mac. C'est lesmac.com, là, si tu vois un peu le lien qu'on a rajouté dans la vidéo, là, c'est lesmac sans S.com. L-E-S-M-A-C. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Voilà. Passons aux choses sérieuses, messieurs. Oui. Comptes Twitter. Non. Nos comptes Twitter. Ouais, je viens juste de les mettre en dessous si vous voulez nous rajouter Twitter. Okay. Donc, il y a déjà pas mal de monde qui nous ont posé des questions. Oups. On commence-tu par ceux qui sont dans... Ah, hein? Tout le monde est parti. Non, c'est moi qui est parti. Ah, le bloc. Okay. Oui, je suis là. Moi, je suis parti. Ouais, ça a tout, On va mettre cette question-là ici. Donc, bougez pas, je vous la lis. Je possède un iPad 2 et j'ai lu quelque part que le processeur dans le iPad aurait changé depuis le nouvel... Ça va? Oui, mais faut pas me faire crier comme ça avec des majuscules. J'ai des enfants qui dorment à la maison. Ah, bon, d'accord. Hein? iPad... T'as sorti ton son, toi, Meller? Quelle différence! Merci, vous êtes super. Donc, oui, c'est une nouvelle, en fait, qui est sortie cette semaine, comme quoi les processeurs A5, qui sont les mêmes processeurs, c'est toujours les processeurs A5 de Apple, sauf que plutôt que d'être gravé en 42 mm, nanomètres... Au lieu d'être en 32? au lieu d'être en 32, ouais. Non, au lieu d'être en 42. En 42. Il tombe en 32. Il tombe en 32. Donc, théoriquement, parce qu'on ne sait pas, là, ça va arriver tranquillement sur le marché, mais théoriquement, oui, on nous reprend, c'est au lieu de 49 nanomètres. Tombe à 35. Donc, bon, c'est sûr que quand on diminue la finesse de gravure, il y a une consommation électrique moindre et on a une plus grande puissance. Maintenant, il n'y a pas eu vraiment de rapport. On a juste une théorie qui est sortie, mais on n'a pas eu encore de rapport de vitesse d'équivalence puis de vérification. Non, c'est ça. Mais moi, ce que j'ai vu vite, c'est que si, mettons, vous achetez votre iPad 2 présentement et qu'il vient installer 5.0.1, vous avez l'ancienne version. Okay. Et que si vous avez 5.1 d'installé quand vous le sortez de la boîte, vous avez le nouveau chipset A5. Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est à voir. Là. Mais si vous avez déjà un iPad 2, c'est sûr que vous avez l'ancienne version. Fait que cherchez pas, là, c'est sûr que vous avez l'ancienne version. Fait que c'était juste pour les nouveaux. Fait que... Il y a M. Ducharme qui nous dit que c'est un test bed. C'est-à-dire, en fait, ils essaient la gravure à 32 nanomètres dans les iPad 2 pour voir probablement pour le iPhone 5. Mais encore là, ce n'est que spéculation. Oui, puis on ne sait même pas s'il va s'appeler l'iPhone 5. Il va s'appeler le iPhone. Oui, c'est ça. Le nouvel iPhone. Rumeur bien. Oui, c'est ça, le nouvel iPhone. Voilà. Je vais enlever ça ici. Oups, j'en ai fait sauter une. C'est ça? Non, it's it. Ah, OK, cool. Fait que c'est la question d'Alexandre Morin. Bonjour. Ma question est la suivante. J'ai un iMac avec une télévision LG branchée à l'aide d'un adaptateur du Thunderbolt à HDMI. Avec iTunes, si je change de sortie audio pendant qu'un vidéo joue, je n'ai pas de problème et l'audio suit. Mais lorsqu'il s'agit de VLC, je dois remettre la vidéo et retourner où j'étais rendu si je décide de changer de sortie audio durant la lecture. C'est quoi la question exactement? Pourquoi ça fait ça avec VLC? Ouais, pourquoi ça fait ça avec VLC, mais pourquoi pas avec iTunes? C'est une bonne question. Vincent me corrigera, là, mais au niveau développeur, peut-être qu'Apple, au niveau du développement de iTunes, a accès à des API que peut-être VLC n'a pas accès ou n'a pas encore intégré. Puis le logiciel de Apple réagit mieux à ce genre de truc-là, vu que c'est avec le système plutôt qu'un logiciel qu'on télécharge. Ça arrive souvent. Vas-y. Les VLC, ils sont reconnus pour avoir des API qui sont... Ben, ils sont open source, mais c'est propre à eux. C'est pas nécessairement des API qui sont toutes de Apple. Évidemment, il y en a pour faire fonctionner le son, mais pour faire fonctionner tous les types de formats de vidéo et audio imaginables par VLC, certains sont pas supportés par Apple. Puis, en fait, comme l'iPhone, il y a certains API qui sont disponibles seulement pour Apple, qui sont privés, ce qu'on appelle. Donc, des fois, ils rendent disponibles dans le futur, mais pour l'instant, il y a certains API qui restent privés là, à date. C'est une théorie, on ne pourrait pas exactement te dire exactement pourquoi. Là. C'est des trucs qui sont pas trop techniques, mais bon, peut-être qu'il y a un setting aussi dans VLC qui te permettrait que ce soit transparent. Puis j'ai l'impression, en fait, que Thunderbolt, HDMI, ils sont obligés de faire comme, pas de la magie, mais du gogossage de protocole là-dedans pour éviter d'avoir des problèmes avec le HDCP. HDCP. Une espèce de cochonnerie de DRM physique qu'il y a dans ces câbles-là. Mm-hmm. Donc, j'ai l'impression qu'ils sont obligés de gogosser un peu. Puis le Thunderbolt, j'ai vu quelques petits problèmes là, au niveau du support. C'est pas encore parfait. D'après moi, il devrait y avoir encore une ou deux patchs qui vont sortir dans les prochaines semaines. Avez-vous vu la nouvelle? Les nouveaux Sandy Bridge? Non, c'est pas Ivy Bridge. Ivy Bridge. Mais je me trompe tout le temps. Moi, je suis tout le temps mélangeant entre les deux. le board, je me souviens plus comment il l'appelle, mais il y a des nouveaux, il y a des nouveaux Thunderbolt qui sont sortis, qui ont été annoncés cette semaine. Uh-huh. Et dans un des, dans les Thunderbolt, ceux qui pourraient être mis dans le MacBook et dans le iMac, il est capable de fournir du courant, pardon, jusqu'à 2,1 milliampères. Qu'est-ce qui fonctionne à 2,1 milliampères chez Apple? Et par USB. Ben oui, mais plus précisément, quel appareil se recharge à 2,1 milliampères? C'est un iPad. Fait que moi, j'ai comme l'impression que s'il y a du courant à 2,1 milliampères qui passe via le port Thunderbolt, ça voudrait dire que le nouveau iPad de l'an prochain aurait probablement... un nouveau dock. Peut-être un port à côté, là, un mini Thunderbolt qui à l'ordinateur et qui permettrait la recharge, mais aussi très, très, très rapide. Ouais, mais... au niveau des films. Ouais, mais on sait que, je veux dire, Apple sont pas forts sur les connecteurs. Hein, je pense pas qu'ils vont mettre l'ancien connecteur et un nouveau connecteur ensemble sous le même appareil. Là. Ben, ils auraient pas le choix, ou peut-être qu'ils sont capables d'adapter le connecteur Thunderbolt et de le mettre en forme de 30 pins, parce que le connecteur 30 pins, là, il y a des pins qui servent à rien dedans. Mm-hmm. Peut-être qu'il est évolutif, lui aussi. Mais là, on va encore avoir des problèmes là, de ce périphérique n'est pas supporté pour la recharge et d'autres niaiseries comme ça. C'est rumeur. Voilà. Vincent, tu répondras au tweet. Ah oui? Ouais, tu iras voir ça. L'autre, on n'a rien à faire là-dedans. Voilà. Ben moi, en tout cas, je vais l'essayer. De toute façon, il faut que j'achète mon fil mini DisplayPort à HDMI pour brancher dans mon Thunderbolt. Fait que je vais l'essayer. Mais je comprends pas trop la question là, d'Alexandre, là, mais il me semble que le HDMI fait les deux en même temps. Fait que je comprends pas pourquoi il laisse pas les deux brancher. Mais là, en ce moment, quand il parle de Thunderbolt, il parle pas la prise DVI, là. Mais il parle du mini DisplayPort parce qu'il n'y a pas de fil encore Thunderbolt à HDMI, là, ce que je change, là. Ouais, mais c'est le fil DVI à HDMI, là. C'est le fil mini DisplayPort DisplayPort à HDMI. Qui est branché dans le Thunderbolt, là. C'est ça. C'est ça qu'il veut dire. Fait que, dans le fond, il n'y a pas vraiment le choix parce qu'il n'y a pas vraiment d'adapteur, à part si c'était un Mac mini, là, il y en a, ou le Mac, l'iMac, je sais pas s'il y en a dessus, je pense pas. Le Mac mini, il y a directement le HDMI dedans. Mmh. Ouais, c'est ça. Fait que pas les iMac, ils l'ont pas encore. Il y a quelqu'un qui dit que le HDMI fait le son et l'image. Par contre, du côté de Apple, ce n'est que très récemment que le mini DisplayPort est capable de transporter le son et l'image, et le Thunderbolt aussi, là. Mais avant, on avait des ports qui étaient des mini HDMI. Et ça ne transportait que le vidéo et non l'audio. Donc, il fallait un deuxième fil à côté, soit un fil Toslink, qui est un fil... j'en ai un ici. Donc, un fil Toslink comme ça, qui est un fil... un fil optique. Numérique, un fil optique. 5.1 Dolby Digital DTS HD Surround. Non, non, excusez. On n'a pas de convertisseur de voix, fait que t'as vraiment pas ta voix FM, mais c'est un câble optique. Donc, moi, je suis pas capable de le faire fonctionner sur ma télévision, le câble optique. Là, je sais pas pourquoi, j'ai pas assez gossé. Mais. Jette-toi un cinéma maison. Voilà, c'est peut-être la raison. Ça crache. Pourquoi ça fonctionne pas. Ouais, mais tu sais, j'ai des enfants. Fait que, ouais, je sais bien. Voilà, pour moi, c'est peut-être pas la meilleure solution. On passe à la prochaine question de M. Duval. Mon iPhone efface des apps durant la nuit. Laisse-moi, je vais aller appeler un exorciste tout de suite. Je télécharge un reminder pour mes antibiotiques et je me réveille pas puisque c'est effacé. Ce n'est pas la première fois. Mon iPhone efface des apps durant la nuit. Exemple, je télécharge un reminder. Il y a peut-être des petites questions à poser là, pour... effacer des applications, tu téléchargerais donc du App Store une application qui disparaîtrait complètement dans la nuit. Ça, c'est assez spécial. Là. Peut-être une restauration du... Dans le chat, il dit le Wi-Fi Sync, mais le Wi-Fi Sync, c'est toi qui l'active. Le sync entre iTunes et le téléphone. Là. Normalement, il effacerait pas de. Il effacerait pas du. Donc, non, c'est lors du sync. C'est ça, mais ça m'est déjà arrivé, c'est vrai, ça m'est déjà arrivé, moi. Admettons que tu télécharges une application de ton téléphone. Ouais. Et que tu syncs ton téléphone avec iTunes. Mm-hmm. Il va effacer l'application dans le téléphone. Ah, mais... Il faut que tu ailles recocher dans iTunes l'application qui le télécharge dans le téléphone. Ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. Là. Ah, c'est ça, exactement. C'est pas le problème, en fait, du... ce qui est transfert automatique quand tu télécharges une app sur iTunes, c'est pas le même problème. Je pense que c'est ça. Je pense que t'as un problème avec le iCloud. Fait que... Mais c'est parce que, d'un côté, si tu utilises la synchronisation via Wi-Fi, normalement, tu devrais plus avoir ta synchronisation automatique d'activer dans iTunes quand tu le branches. Là. Il devrait plus faire les deux. C'est sûr que ça le mélange. Là. D'après moi, si tu branches ton iPod, ton iPhone à ton ordinateur, dans iTunes, tu t'en vas dans Info, là, ou... attends une seconde. Pas Info, mais dans Sommaire. Puis que tu dis Sync iPhone via Wi-Fi, Manually manage video, open iTunes when the iPhone is connected. Backup to iCloud, backup to computer. Je sais pas où est-ce que ce serait. Qu'est-ce que tu cherches, là? Ben, je suis en train de regarder, en fait, parce que j'ai l'impression qu'il y a comme deux systèmes et non pas un là, pour faire... T'as-tu plusieurs comptes qui sont enregistrés iPhone, dépendant... ouais, sur son iPhone, peut-être que... Parce que ça m'est arrivé, j'ai eu un petit problème pas très longtemps là, avec Mac Québec, puis le compte de Mac Québec, puis mon compte personnel là, au niveau des transferts automatiques. OK. On nous dit que attends, c'est toute la même personne, là. Le transfert des achats ne se fait pas. Je branche jamais, à vrai dire, sur mon Mac. Ça m'a fait avec mon nouveau iPad aussi. Mais le transfert des achats, là, faut l'activer dans les préférences de iTunes. Il s'active pas automatiquement. Fait qu'il faut aller dans fichier. C'est dans fichier, attendez un peu. Non, c'est dans préférences iTunes. Ouais, iTunes préférences. Et dans le store, et vous cochez musique, apps et books pour que si vous achetez des applications sur votre téléphone ou iPad, quand vous allez réouvrir votre iTunes, il va se télécharger automatiquement. Ou directement dans le téléphone. Store. T'sais, lui, ce qu'il y a, c'est un problème au niveau de la synchronisation entre les deux appareils. Toi, ce que tu parles, c'est pour activer que l'ordinateur télécharge déjà l'application. Oui, c'est ça. Ben, moi aussi, j'ai le même problème de temps en temps. Ça me fait ça aussi. Si vraiment je télécharge pas de iTunes, que je télécharge de mon téléphone et que je sync mon téléphone avec iTunes, des fois, il efface l'application que j'ai téléchargée sur mon téléphone. OK. Mais après, il faut que j'aille le recocher dans iTunes pour... À ce moment-là, en fait, c'est pas ajouter automatiquement les applications au téléphone. C'est pas... Il n'y a pas une case à cocher dans... qui dit ajouter comme toutes les nouvelles applications automatiquement au téléphone. Ben, si, mettons, je vois dans mon téléphone, là, dans Apps, là... C'est synchroniser automatiquement les nouvelles applications. Oui, c'est ça. C'est ça, il est coché. Mais sauf que c'est ça, moi aussi, ça m'arrive de temps en temps si je télécharge du téléphone et que je sync avec iTunes. Fait que je sais pas c'est pourquoi, là, mais je pensais que j'étais tout seul, mais là, je viens de voir que non, je suis pas tout seul. Fait que... Moi, une des choses que je comprends pas, c'est que je comprends pas. C'est-à-dire, ce qu'on veut, c'est se faire réveiller ou se faire dire prends telle affaire. Il y a une application maintenant avec iOS 5 dans l'appareil qui permet de faire des alarmes, en fait. Puis si vous utilisez Siri, vous lui dites simplement réveille-moi à telle heure ou réveille-moi dans tant de temps. Et puis, il va mettre la sonnerie où il va mettre l'alarme automatiquement, ça pourrait être une autre façon de faire si l'application que vous téléchargez, est-ce qu'il y a seulement cette application-là qui est effacée bizarrement comme ça ou comme à peu près n'importe quelle application nouvelle? OK. Donc, on l'a téléchargé une fois, il s'est effacé. On l'a retéléchargé, puis ça s'est pas effacé. Puis c'est arrivé avec d'autres apps aussi. C'est assez bizarre. Je sais pas si c'est pas un problème au niveau de la synchronisation. Peut-être qu'on a... puis le téléphone n'est jamais branché à l'ordinateur. C'est bizarre. Moi, je pourrais peut-être recommander de faire une restauration. Ça peut arriver que le téléphone s'embrouille de temps en temps. Moi, au Apple Store, la dernière fois, le gars il m'a dit « Écoute, il n'y a pas de problème direct avec ta batterie. Par contre, je vois des rapports de plantage de tes applications. » Alors que moi, je n'en voyais pas tant que ça. Il dit « Puis ce genre de behavior-là, français, behavior, comportement-là, ça pourrait faire que ta batterie se draine plus rapidement. Puis, en fait, ma batterie d'iPhone se draine de plus en plus rapidement. Fait que même si j'ai mon truc dessus, je fais pas une journée. Fait que, non, Griff, non, on fait plus une journée pas en tout avec nos téléphones puis nos iPads. Là. Ben, non. Peut-être l'iPad, là, mais nos téléphones. Là. L'iPad, oui, mais l'iPad, l'iPhone, c'est je fais même pas une demi-journée avec. J'ai restauré mon iPhone et il l'a fait encore. Écoute. Ah ouais, je sais, j'ai essayé plusieurs fois aussi. Puis, tu sais, vraiment de repartir à neuf, là, je l'ai même essayé avec Xcode, là, tu sais, parce que Xcode est mieux restauré qu'avec iTunes, là. En tout cas, okay. Moi, je préfère mieux Xcode. Là. Vincent aussi fait ça. Puis, même si tu refais ton téléphone à neuf, là, vraiment à neuf, là, ton téléphone est à 100%, tu le regardes, là, 5 minutes après, il est tombé à 95%. Fait que, en tout cas, c'est vraiment, je sais pas qu'est-ce que, je pensais que c'était ma batterie, mais là, ça fait 2-3 personnes avec qui je parle, puis c'est comme, c'est un peu trop, là, ça descend trop vite, là. Je vais essayer, moi, une restauration du téléphone cette semaine pour voir si ça peut régler le problème pour le drainage de batterie, là. J'ai essayé, là, vider les batteries, les recharger au complet, des trucs comme ça. Puis une des choses aussi que j'ai lu en quelque part, c'est que si il y a une batterie d'appoint, quand tu démarres la batterie d'appoint, il se considère comme étant branché. Donc, c'est comme si, pas il s'overclockait, là, mais il arrêtait peut-être les... Il doit faire un downclocking en quelque part, puis peut-être qu'il arrête de faire ce downclocking-là, parce que la batterie de Mofi est supposée faire l'équivalent de la batterie qu'il y a dans le téléphone, puis ça le fait absolument pas. Donc, c'est un peu bizarre de ce côté-là. On a quelques bizarreries du côté d'Apple. Oui, de ce temps-ci, ça va pas... Pas super. Ça va pas super, mais on comprend pas, mais l'action augmente à plus finir. Mais bon. Ben, ça aussi, là, le samedi matin, là, buvez-en moins du Apple, puis... Oups! Moi, je viens de planter au niveau de Safari, je suis plus là pantoute. Ben non, t'es gelé. Ouais. Ben, c'est pas grave, tu reload-toi, puis on va continuer avec ta belle voix chaude et langoureuse. OK, une autre question en attendant. On va de Fasti sur le forum. Est-ce qu'Apple fait la même chose que Microsoft lorsqu'on achète une machine peu avant la sortie d'un nouvel OS? Soit offrir un nouvel OS gratuitement lorsque celle-ci est disponible. Je sais bien que 30$, ce n'est pas la mer à boire. Et non, c'est vrai, c'est pas la mer à boire. 30$ pour un système à comparer de Windows 7 qui est comme 200 quelques piastres à peu près, si quelqu'un peut me corriger. Là. C'est ça. Ben oui, si vous achetez, Apple fait toujours... Quand vous achetez un nouvel ordinateur et quand ils annoncent un nouveau système comme qu'ils vont annoncer cet été le Mountain Lion, ils vont dire OK, de telle date à telle date, si vous achetez un Mac, vous allez avoir automatiquement l'application Mountain Lion gratuit, mais là, il faut rentrer un papier puis avec un code, toute la patente. Oui, c'est à peu près 300$ pour même la version Ultimate. Là. C'est comme, c'est faramineux. J'ai bien hâte de voir combien ils vont vendre Windows 8. Là. J'aimerais bien voir s'ils vont faire comme Apple, puis ils vont nous vendre ça. Ben moi, c'est sûr, je ne l'achèterai pas. Là. Mais s'ils vont nous vendre ça à 30-40$, 50$ max, là, je pense pas. C'est pas dans la logique de Microsoft de faire ça, là, mais bon. Ils n'ont pas les mêmes moyens qu'Apple. Aussi qu'on a appris cette semaine qu'Apple... ils valent maintenant 600 milliards de dollars et 600 milliards, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup, là, mais c'est beaucoup. Beaucoup d'argent, là. Fait que c'est ça. Mais non, c'est ça. C'est au moins à peu près... Corrige-moi, Vincent ou Alexis, là, mais je sais pas, c'est un gauge de combien de temps quand vous achetez un Mac, là, quand ils annoncent un nouveau système, là? Ce système est... habituellement, en fait, c'est parce que la dernière... Ils sortent les systèmes l'été. Tu sais, ils sortent... je pense que c'est au mois d'août pour Lyon, c'est ça? Ouais. Et ils ont fait la Worldwide Developer Conference, la WWDC, au mois de juin. Et si je me trompe pas, c'était à partir du 18 juin jusqu'à la sortie de Lion qu'on pouvait avoir le CD. C'est une bonne occasion d'acheter ces ordinateurs, surtout quand on est étudiant, parce qu'on a le rabais éducationnel, on a la promo éducationnelle. De ce temps-ci, c'est des cartes iTunes pour acheter ces applications. Et on a, par exemple, la mise à jour du système d'exploitation, mais qui est comme pas obligatoire. Fait que tu peux décider... Oups, Vincent a été éjecté. Tu peux décider si tu veux... soit le système qui est mis à jour, par exemple, quelque chose comme 10.7, qui est mis à jour, ou si tu veux le tout nouveau système qui, lui, est peut-être un petit peu plus plantogène et qui... tu vas avoir les nouvelles fonctionnalités, mais il a pas encore été patché, fait qu'il y a peut-être encore une couple de bugs dedans. Notre ami Vincent semble avoir de la difficulté à revenir. Là, j'ai de la misère à revenir, mais je comprends pas pourquoi là, ça fonctionnait. Il y a Eric Paquin qui nous demande dans le chat que ça fonctionne, qui dit que ça fonctionne pas chez eux pour, mettons, sur Internet Explorer, Chrome. Et, en tout cas, ici, ça fonctionne. Là. J'ai même essayé, j'ai ouvert Safari. Mon autre navigateur, et ça a fonctionné. Là, fait que peut-être que... En fait, à la fin, il dit qu'il y a un firewall pour les PC chez vous. Non, on fait absolument rien. On n'a pas besoin de faire... On n'a pas de firewall et on n'a pas d'antivirus, nous autres. Fait que... Non, mais tu sais, comme si on mettait un filtre pour que les PC ne nous écoutent pas. Ouais. Non, on est bien content que les gens PC nous écoutent. Puis je pense qu'on n'a pas besoin de faire quelque chose pour que ça ne marche pas. Là, Il y a quelqu'un qui parlait aussi que l'application ne fonctionnait pas. Moi, personnellement, je l'essaye, elle fonctionne là, devant mes yeux. Je comprends pas pourquoi, eux, ça fonctionne pas. Toi, Jeff, t'as dit que ça fonctionnait pas? Ben, je sais pas, je suis pas capable de la partir. Là. Mais bon, en tout cas, c'est pas grave. Là. Je vais rechecker. Là. Fait que... Laisse-moi checker ça. Info, en direct. Sinon, on était rendu où dans le document? On était rendu dans... Rôti de bœuf sur le forum de Mac Québec nous demande, il nous pose la question, je suis un technicien PC depuis plusieurs années. Je viens d'accepter un poste de technicien PC et Mac. À part d'avoir touché au Mac de ma conjointe, je n'ai pas beaucoup de connaissances au niveau Mac en entreprise ou qui pourrait me donner un cours de permission Unix sur les Macs ou sur les problèmes qu'ils risquent de rencontrer. Je veux commencer avec une certaine base. Merci. Premièrement, on a la... comment ça s'appelle donc? L'école là, qui font un atelier sur Apple, là, L'UNIS, oui, c'est ça. Voilà. Il y a un cours qui est donné justement pour les gens qui partent de zéro, mais qui ont quand même une connaissance informatique ou du moins un désir d'en apprendre plus. C'est pas un petit cours, là, c'est vraiment pour. En fait, c'est le premier niveau de Apple qui s'appelle Help Desk Assistant, donc assistant aide en fait au comptoir d'aide, si on veut. Et à ce moment-là, vous pouvez trouver soit les livres sur Internet qui sont édités par Peach Pit, la compagnie d'édition Peach Pit. Donc, ce sont des livres qui vous donnent une bonne base à partir de comment on installe le système d'exploitation, c'est quoi les différentes façons de le faire, tout ça. Et ça va passer à travers le terminal, ça va passer à travers un paquet de choses à Apple. Et à la fin, ça va vous donner en fait un bon nombre de trucs pour troubleshooter l'ordinateur. C'est une brique d'environ 532 pages. La version Lion est sortie récemment. Il y a une version 10.6 qui est sur le marché aussi. Et une fois qu'on a passé à travers cette brique-là, on peut aller passer le test pour être certifié Help Desk Assistant de Apple. Je ne l'ai même pas fait encore. Suite à ça, en fait, on peut aller chercher d'autres certifications, que ce soit du côté réseau, que ce soit du côté serveur ou que ce soit du côté technicien pour démonter des machines et les remonter. Donc, à ce moment-là, il y a d'autres tests, là, c'est un peu plus ardu pour avoir ces certifications-là. Puis on peut monter jusqu'à ce qu'on appelle la... En fait, elle n'existe plus, là, mais une des plus hautes certifications à Apple s'appelait le Apple Architect, donc architecte de réseau. Mais comme il y a de moins en moins de serveurs au niveau Apple, cette certification-là n'existe plus. Donc, il y a vraiment deux niveaux. Donc, c'est de trouver le bouquin. J'ai mis aussi dans le chat, O'Reilly ont sorti la semaine passée leur nouveau livre sur macOS Lyon. Okay. Lyon, serveur et tout le tralala de Apple. C'est ça, mais ce n'est pas les livres officiels. Non, ce n'est pas les livres officiels, non, exactement. Mais on s'entend que O'Reilly sont quand même bons dans leurs livres. Oh, oui. Oh, oui. Au niveau de la programmation aussi, sont clairement forts. Sinon, il y a ce monsieur-là dont je vais mettre tout de suite le site web. Voilà, je vais tasser ça ici, on va mettre le contenu. Donc, si vous allez voir, en fait, sur ce site-là, qui est un très, très vieux site, qui est le site de Mario Blais, qui est un formateur de spécialistes Apple, vous suivez sa newsletter et assez souvent, en fait, il va vous dire, voici, je fais une fin de semaine de formation. Par contre, il y a des coûts qui peuvent être assez élevés reliés à ça. Donc, dans la fin de semaine de formation, vous allez passer à travers le livre dont je vous ai parlé. Pourquoi Vincent, t'as disparu? T'es-tu toujours là? Moi, je suis toujours là. OK. Dans le chat, vous en parlez toujours, Vincent? OK. Donc, ce monsieur Mario Blais donne des formations. Et puis, oh, on t'entend plus, Vincent. On dit flash à marde. Voilà. Il y a Vincent. Je suis un peu déconcentré. Il y a Vincent en arrière qui est en train de profaner les logiciels d'Adobe. d'envoyer des curses c'est, à tout c'est le temps de parler dans mon dos en ce moment, hein? Voilà. Donc, c'est ça, en fait, la formation de Mario Blais, qui va coûter aux alentours de 2 500 $, fait que vous allez passer à travers le livre, mais si vous avez des questions, tout ça, ça se passe dans une fin de semaine. Et puis, à la fin de la fin de semaine, vous avez un petit rabais pour passer la certification. Donc, pour des gens qui ont des connaissances à Apple, mais qui n'en ont absolument pas PC, moi, cette formation-là, je la recommande parce que il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de problèmes que vous pouvez rencontrer, tu sais, qu'il va falloir déjà improviser, que si vous n'avez pas une base pour, tu sais, ouais, mais tu sais, un Mac, ça doit fonctionner comme un PC. Non, il y a tellement de monde, moi, chez qui je vais. Je connais bien l'appareil, je connais pas tout. Je connais bien le Mac. Puis qui me disent, j'ai fait venir du monde, mais c'est des petits clins là, qui disaient qu'ils connaissaient ça, le Mac. Puis finalement, je me rendais bien compte que pas longtemps après, ils faisaient du gogossage, du patentage, puis ils essayaient des affaires. Donc, à ce moment-là, ça vaut la peine d'aller chercher un minimum de formation. Et monsieur... Ouais, merci. Pardon. Il y a 23 personnes qui sont en train de bailler chez elles en ce moment. En fait, la question de Barnac 77, où on peut apprendre et comment se servir de Automator dans Mac OS X, ça a l'air puissant comme application. Effectivement, si je me trompe pas, c'est en fait, vous tapez dans Google « How to use Automator », d'aller trouver là, probablement soit sur Macworld ou sur Get, G-E-T-E, qui est un formateur européen qui fait des petits e-books. Vous allez avoir une bonne explication de ce que fait Automator. Puis, en fait, ça va être plus des exemples que d'autres choses parce que c'est quand même assez clair comment... C'est quoi, là? T'as pas mis ton téléphone de maison en mode. Ouais, mais là. Oui, excusez. Donc voilà, c'est pas mal ce que j'aurais à donner comme information à propos de ça. Sinon, il y a sur le site d'Apple que je vais mettre dans le chat, qui donne un cours 101, comment utiliser Automator. Fait que il y a quand même assez de petits liens et de petites photos. Là. Fait que vous avez juste à chercher aussi, comme Alex dit, How to use Automator. Sinon, ce que j'ai remarqué, il y a une section sur le iBook Store de livres gratuits ou pas trop chers. Si vous tapez Automator là-dedans, il y a peut-être un petit e-book qui a été fait que vous pouvez télécharger et qui va vous aider. C'est drôle parce que le iPhone User Manual puis le iPad User Manual sont là-dessus, donc vous pouvez les télécharger dans votre appareil. C'est sûr que s'il ne marche plus et qu'il y a un problème avec le iPad pour le lire, ça va aller mal, là, mais s'il donne des trucs de troubleshooting ou tout ça, là, mais ça pourrait se retrouver là-dedans. Je vais juste aller vérifier. iTunes Store, Book. On peut continuer avec la prochaine question, je vais vérifier ça. Il y a Régent qui nous pose aussi une autre question. Et il dit « Bonjour, je viens de me commander un disque dur externe My Passport for Mac de Western Digital de 1 TB. Je veux simplement glisser iPhoto et iTunes dedans parce qu'il ne possède pas assez de place dans son MacBook pour avoir les deux gros dossiers, parce qu'on s'entend que iPhoto et iTunes prennent beaucoup de place. Il veut savoir comment transférer ces deux fichiers-là. C'est assez simple, surtout iPhoto. iPhoto, vous allez dans vos documents, dans Photo, et vous prenez il y a iPhoto Library. Vous cliquez, vous copiez ou vous le glissez dans votre disque dur externe. Et une fois que c'est glissé, vous cliquez deux fois dessus pour l'ouvrir. Et maintenant, iPhoto va savoir que c'est cette base de données-là qui a été changée de place pour aller prendre vos photos. Et pour iTunes, ça, c'est une autre affaire. C'est un petit peu plus... pas plus compliqué, c'est assez simple quand même. Il faut premièrement prendre le dossier dans le dossier musique et le copier dans votre disque dur externe. Ensuite, que iTunes soit fermé aussi, et que quand vous allez ouvrir iTunes, vous enfoncez le bouton Alt, et quand vous allez cliquer pour ouvrir iTunes, il va vous demander quelle librairie choisir. Vous allez pointer votre dossier dans votre disque dur externe. Il va avoir un fichier XML. Fait qu'en choisissant ce fichier-là, maintenant, iTunes va savoir que c'est maintenant cette librairie qui a été déplacée. Mais une autre chose qu'il faut faire aussi dans iTunes, c'est aller changer le chemin d'accès dans les préférences d'iTunes. Parce que si vous allez copier, vous allez mettre des nouvelles chansons dans iTunes et que vous n'avez pas changé ça, il va les remettre à l'ancienne place où ce qui était avant dans votre dossier Home. Fait qu'il faut aller pointer aussi le nouvel emplacement de votre nouvelle librairie dans votre disque dur externe. Moi, je recommande par contre jamais de faire ça parce que, le disque externe, c'est pas vrai qu'il est plus fiable que votre disque interne. Un disque dur, c'est pas fiable à la base. Fait que ce qu'il faut le mieux, c'est d'avoir les données sur deux disques. Au mieux, là, un disque RAID, là, mais bon, on peut s'étendre sur le sujet. Mais juste de prendre la bibliothèque de musique, qui est habituellement quelque chose qu'on veut écouter assez souvent, puis la mettre sur un disque dur externe, bien, ça va nous obliger à partir de maintenant à, un, si on veut écouter de la musique, toujours avoir ce disque dur-là branché sur l'ordinateur. Puis si c'est un portable, c'est vraiment pas évident. Deuxièmement, quand on va vouloir importer ou acheter de la musique, ben va falloir avoir ce disque dur-là. Et faut pas oublier, en fait, c'est que maintenant, la bibliothèque de musique de iTunes, c'est plus juste une bibliothèque de musique. C'est une bibliothèque de musique, d'applications, de livres, de podcasts, de films, de séries télé. Donc, quand vous la déplacez vers l'extérieur, puis mettons, vous allez acheter 2-3 applications sur votre iPhone, vous n'y pensez pas, vous branchez votre iPhone à votre ordinateur, la synchronisation qui va être faite va créer où en fait, il va commencer à vous dire, hey, j'en ai pas de bibliothèque, je vais en créer une nouvelle. Là, vous avez comme deux bibliothèques. Et les merger ensemble, c'est vraiment très, très compliqué. Il y a des logiciels qui permettent de le faire, mais c'est pas parfait. Donc, mon Dieu, non. L'idéal, ce serait toujours d'avoir, d'avoir sur votre disque interne la bibliothèque de musique, la bibliothèque de photos. Puis si vous avez un problème dans ce genre-là, ben c'est relativement simple et pas très coûteux de changer le disque dur pour un plus gros. À ce moment-là, en fait, les données de l'ancien disque dur sont prises, sont migrées sur le nouveau disque, on l'installe dans l'ordinateur et puis on continue à travailler comme si de rien n'était. Une petite réparation de permission, un petit reboot, et puis on continue à travailler comme si de rien n'était. Puis ça va... En tout cas, moi, je trouve que c'est une solution qui est plus clean que de simplement dire « Hey, je vais plugger un disque dur, m'en aller sacrer les plus gros dossiers dedans. » Tu sais, c'est pas... tu sais, aller mettre Adobe puis Final Cut tant qu'à faire, là, vu que c'est à l'extérieur puis ça prend de la place, là, mais c'est pas... en utilisation, ça sera pas agréable, là, en tant que tel. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Solune sur le forum nous demande « J'ai un MacBook Pro de 17 pouces. Il a été fourni au centre où je travaille et on m'a installé un boot en Windows 7 dessus. Depuis que j'ai mis mon MacBook Pro avec Lion et lorsque je veux booter avec Windows 7, il me dit qu'il ne trouve aucun système. J'ai utilisé VMware Fusion et il accepte de booter en Windows 7. Mais pourquoi qu'il est pas capable de voir son boot dans Bootcamp de Windows 7, mais dans VMware Fusion? D'après moi, il dit quand il ouvre VMware Fusion, il est capable de partir Windows de sur son Windows 7. Ouais. C'est spécial, hein? Ouais, c'est ça, mais d'après moi, il y a eu un fuck quand il a fait sa mise à jour. Peut-être. Attends, parce que si la partition Bootcamp a été faite avec Snow Leopard et qu'il a fait la mise à jour de Snow Leopard à Lyon après, on sait que Lyon installe maintenant une partition cachée du système. Oui, une autre partition, effectivement. Fait que ça a peut-être fait un fuck dans le boot de la partition Windows. Là, la question, c'est comment refaire le boot de Windows 7. Là-dessus, ça fait longtemps, tabarnouche, j'ai pas gossé pour un boot de Windows. Je vous avoue que je suis un peu embêté par la question, mais si on démarre Bootcamp, est-ce que Bootcamp offrirait pas des options de réparation, peut-être de mise à jour? Non, la seule affaire qui va te demander Bootcamp, c'est... combien tu veux partitionner? Non, ouais, ou tu veux-tu effacer ta partition? OK. Fait que c'est juste ça qui va. Ce que je recommanderais, mais je pense qu'il faut. Une fois que la partition de démarrage d'un Windows comme ça, parce que ce qui doit arriver, c'est que l'index de démarrage du côté de Windows doit être corrompu. Sauf que VMware doit utiliser son propre index de démarrage. Mm-hmm. Après ça, ils disent, bon, ben, le système, il est là, puis il boot le système qui, lui, a pas de problème. Comment réparer ça? Il y a peut-être vérifié, en fait, dans le forum de VMware, il y aurait peut-être un début de réponse là-dedans. Sinon, au niveau de la compagnie où est-ce que vous travaillez, je ne sais pas s'il y a un service de technicien. Eux seraient en mesure de détruire dans un premier temps la partition et d'en reconstruire une avec les outils Bootcamp sous 10.7. C'est un peu radical. Un bon technicien PC devrait être en mesure d'aller jouer dans la partition et de réparer la partition. Bootcamp, il ne peut pas simuler fonction, quelque chose en démarrant sur Windows. Ou quand tu mets le CD de Windows dedans, tu peux pas, vu qu'il est en bootcamp, il le reconnaît comme un Windows, tu peux pas booter sur le CD, puis ensuite, tu vas pouvoir avoir une réparation au système. La seule affaire qu'il fait, mettons, si tu mets ton CD Windows 7 dans ton Mac au démarrage et tu pèses sur Alt, là, tu vas voir ton CD Windows. Mm-hmm. À partir de là, je sais pas s'il va être capable le Mac de partir sur le CD, mettons comme un safe mode de Windows et de faire les réparations du boot là-dessus. Ça, je ne l'ai jamais essayé. Ça sera vérifié, là. Mais... On le fait souvent. C'est pas sur un Mac, là, c'est sur Windows, mais je le fais souvent sur Windows puis ça fonctionne très bien. Pourquoi ça fonctionnerait pas? Je sais pas si le FI est capable de simuler un boot de démarrage de CD de Windows au démarrage du Mac. Fait que... Je pense que oui. C'est ça. Cas, faut essayer. Là. Faudrait essayer. Il y a plusieurs choses à faire, à essayer. Là. Fait que, mais c'est sûr, comme Alexis dit, allez voir le technicien où que votre ordinateur a été prêté à votre job et y demander parce que mais c'est ça. C'est sûr que ça serait un boot à corriger sur la partition. On a Nicolas sur le chat qui nous demande « Y a-t-il un moyen de lire le EPUB sur un Mac? » Oui, il y a des logiciels pour ça. Lesquels, par exemple, j'ai... Il y a un logiciel de Adobe qui permet de le faire, qui est disponible sur leur site web. C'est Adobe EPUB Reader. J'ai un book... Adobe Digital Edition. Hey boy. Donc, c'est une application que vous pouvez télécharger. Vous cherchez Adobe Digital Edition, puis vous pouvez la télécharger sur le site d'Adobe. Et ça lit les EPUB, les dernières versions. Et ça doit planter en flash? C'est pas en flash. Ah. C'est pas en flash. Ça utilise, en fait, je pense, la technologie PDF ou quelque chose comme ça. OK. En fait, le EPUB, là, c'est un... Comme un de nos invités nous l'avait fait remarquer, là, c'est un site web encapsulé. Là, donc, c'est rien de vraiment extraordinaire. L'avantage, en fait, de Adobe Digital Edition, c'est que c'est un logiciel que vous allez avoir de besoin pour... si vous voulez acheter des livres sur archambault.ca, vous allez avoir besoin de ce logiciel-là pour les lire et pour manager les DRM, les droits digitaux. Les foutus questions... DRM. Hey, t'as-tu vu cette semaine, oui? en parlant de DRM sur les livres, Yahoo, ouais. Ils ont le droit maintenant, ils vont mettre de la pub dans leurs livres. Ah oui? Hey, non, mais là, parce que là, je m'excuse, là, mais c'est vrai, ça, c'est... Un livre gratuit? Non, un livre que tu achètes sur le store de Yahoo, là, ils ont le droit maintenant de mettre de la pub dans ta version électronique du livre. Parce que là, on sent... on veut lire le livre, là, on veut pas voir de la pub pendant qu'on lit, là, je m'excuse, mais quand t'achètes un livre en papier, format papier, t'as pas de pub, là, t'sais, c'est t'es 450 pages et tu vois ton livre d'attente, là. Ça dépend, là. Si on parle d'un roman, effectivement, ça, je suis d'accord. Ouais, mais je parle pas d'une revue... Ça peut être une revue ou un comic book, par exemple, qui aurait de la pub dedans, mais non, ça, c'est un petit peu exagéré, puis de toute façon... Yahoo, si vous avez des actions, enlevez-les. Oui, parce qu'ils ont perdu, ils ont mis beaucoup de monde dehors là, aussi. Là, 20 000, je pense. Combien? 2 000? Je sais pas. Je vais essayer de retrouver ce que j'ai vu. Les livres aussi d'archambault.ca sont lisibles sur, malgré ce qu'on peut lire, sont lisibles sur un iPad. Il y a une application qui s'appelle Blue... Je ne sais pas si c'est Blue Book. C'est, Louis, c'est quoi le... Il est-tu encore là, Louis? Oui. Louis, c'est quoi l'application que je t'avais donnée l'autre jour pour transférer? Sur Archambault, là. Il y a Stanza. Stanza, ça fonctionnerait. Stanza fonctionnerait pour des EPUB, mais pas nécessairement pour les livres de Archambault. Sinon, Blue... On avait parlé, mais... ouais, c'est ça, c'est EPUB DRM Remover. Ah oui, OK, ça. Ben, c'est un autre type d'outil, là. C'est pas la même chose, là. EPUB Remover, là. DRM Remover. Ça peut fonctionner. En fait, ça doit faire une espèce de copier-coller dans un nouveau document. Quelque chose qui ressemble à ça. Ça l'envoie dans le iBook, là. Fait que... Voilà. Pour poser vos questions, by the way, vous pouvez les écrire, puis à côté du bouton Enter, il y a un bouton poser votre question ou quelque chose comme ça. Donc, vous pouvez passer par là. C'est comme ça, en fait, nous, qu'on réussit à aller voir qui a posé des questions et qu'on peut les mettre dans le pool pour gagner les applications. Oui. J'ai une autre question aussi de Nathalie Morin sur Mac Québec Entraide. Elle compte se débarrasser de son vieux iMac. Quelles sont les étapes à suivre pour détruire toutes mes données sur le disque dur? Puis est-ce qu'il y a un endroit à Québec pour aller le porter ou s'il y a des frais ou whatever, là? Fait que premièrement, quand on veut se débarrasser d'un ordinateur, faut effacer le disque dur et effacer le disque dur et pas juste formater de base, là. Faut y faire un zero, là, un zero. C'est quoi, là? J'ai un blanc, là. Moi, je dirais que la manière pour être sûr, là, je pense que c'est celle la plus draconienne, mais si vous avez déjà utilisé... T'enlèves le disque dur, tu pètes ton disque dur, voilà, c'est fini. Tu mets dans l'eau, tu mets dans le feu, puis tu roules dessus. C'est exactement. C'est ce que j'ai fait il n'y a pas longtemps. un 15 secondes au four micro-ondes est assez drastique aussi. Oui, exactement. En fait, la méthode Gutmann... c'est un clean en 35 fois, là. Où en fait, il écrit des 0 puis des 1 sur ton disque dur 35 fois. Ça prend trois jours. Ça prend du temps, mais je veux dire, si vous avez déjà utilisé vous avez déjà reçu des comptes bancaires, moi, je prends pas de chance, là. J'en ai déjà donné un à quelqu'un, puis j'ai fait un clean comme ça. Oui, c'est long, mais ensuite, là, bonne chance pour trouver les données, là. Je pense que c'est la manière la plus sûre à date. C'est très long, mais en même temps, ça marche bien. Ouais. Ou le détruire, là. Le détruire, c'est ça. Le sortir complètement, puis à coup de marteau, whatever, comme 15 secondes dans le four micro-ondes, et merci, bonsoir, là. Mais comme Nicolas a dit, c'est aussi drastique pour le four micro-ondes, là. Oui, mais... je veux dire, c'est comme si tu mets un CD dans un four micro-ondes, c'est super beau à voir quand il pète, là, fait que... Ouais, il fait plein d'éclatements, hein. Oui, c'est super beau. Si vous avez jamais fait ça, là, prenez un CD vierge ou un CD que vous ne servez plus, là, 15 secondes dans le four micro-ondes, puis après vous le ressortez, là, c'est super beau tout le design que ça fait, là, fait que... Non, ça, je sais que c'est pas bon pour le four micro-ondes, là, mais quand même, ça fait un beau design. Excusez, je suis en train de parler à mon chum en même temps. Fait que... Non, c'est ça. Fait que ou un très puissant aimant aussi peut faire la job. Faut vraiment qu'il soit puissant. L'aimant, ça tu sais, il faut. En tout cas, c'est comme un aimant à char que ça prendrait, là, pratiquement. Ouais, quasiment. Mm. Est-ce qu'on... On avait-tu d'autres questions? Non, pas pour moi. J'ai pas d'autres questions. Ah, on reçoit une. Oh. Comment? On en a reçu une. Oh, on a reçu une? Bon, ben... Voilà. Pourquoi le téléchargement de films iTunes avec Apple TV prend plus de 2 heures? Parce que la connexion Internet chez vous est pas très bonne? Ou parce que, premièrement, tu peux pas télécharger un film iTunes sur un Apple TV. Ça ne se Il est streamé. Ouais, c'est ça. Il stream sur l'Apple TV, pas téléchargé. Ben non, mais tu peux télécharger directement un film sur un Apple TV. Les premières générations avaient un disque dur. Ouais, mais pas la nouvelle, Vincent. La nouvelle n'a pas de disque dur. Tu peux juste en streaming. Ouais. C'est juste en streaming. Il y a aucun. Ouais. Il y a juste 8 ADSL, BD, HBA. Ah, il est parti, Patrick? Ah oui, il est parti. OK, fait que c'est ça. Non, mais c'est ça, il faut ADSL. ADSL, moi, c'est quelle vitesse, ça, ADSL? C'est quelle vitesse, ça, ADSL, monsieur? Attends, t'as sauté la question, là. On avait-tu fini de répondre? Non, mais parce que dans le comment à droite, il est en train de marquer des affaires qu'il met. Mais c'est une autre question, ça? Non, mais je pense que c'est la version qu'on lui a posée, c'était quoi sa vitesse qu'il avait. Ah, OK. Mais aussi, il faut dire aussi qu'on ne peut pas... si, mettons, vous streamez à partir de votre ordinateur ou même du Apple TV, on s'entend que maintenant, Apple ont fait du 1080p et on ne peut pas recommander du 1080p filaire et non Wi-Fi. Même si vous avez... Ben, en tout cas, ça a toujours été, là, d'après moi. Là. Fait que moi, j'ai tout le temps mis mon filaire après... Un fil après ton Apple TV pour streamer. Ah oui, sinon, dis ça, là. Si, mettons, tu fais quelque chose sur ton routeur ou whatever, ça va geler ou whatever. Mais moi, j'ai tout le temps mis un fil réseau branché après... On nous dit que la vitesse à Internet, c'est 10 mégabits, mais le speed test, lui, dit quoi si on va sur speedtest.net? Ouais, c'est ça. Donc, c'est de la DSL. 10 mégabits promis, mais donne 3 mégabits. C'est ça, là. Je veux dire, c'est un ensemble de facteurs. Si on a demandé au Apple TV de streamer du 1080p au lieu du 720. Si on est connecté en Wi-Fi et effectivement qu'on a une connexion Internet qui est du 3 mégabits, ça fait du 500K là, en téléchargement maximum. Là. Ouais, à peu près. Donc, c'est vraiment pas optimal. Là. Non, c'est ça. Fait qu'il faudrait rappeler Bell et vérifier ça avec eux autres. Changer de connexion Internet. Je sais pas de quel coin vous venez. Pouvez-vous nous répondre dans le chat? On va vous donner... Êtes-vous à Montréal? Bon, en tout cas, faut dire, c'est ça. Moi, en tout cas, je recommande tout le temps de brancher un bon... je suis en Wi-Fi, là, quoi? Lac... Là, la pocatière, OK. Ça doit être... il y a Bell là-bas aussi, non? Fait que, mais c'est ça, c'est Bell déjà qu'il y a. Mais c'est ça, mais vérifiez avec Bell, ça doit être vos filages qui sont mal faits, qu'il y a peut-être des problèmes avec vos fils téléphoniques et ces choses-là. Mais c'est sûr, pas normal. Si vous payez pour 10... Normalement, ils vont... C'est loin de tout le monde, là, tu sais. Si tu achètes un appartement ou quoi que ce soit, puis que c'est proche du CIO, tu vas le savoir que tu as de la bonne vitesse, mais sinon, là, plus tu t'éloignes, moins c'est bon. Moi, je suis direct à côté de chez Vidéotron, fait que je peux te dire que ça rentre. C'est Guidou qui nous dit le livre est sa propre biographie, là. Donc, c'est à peu près tout ce que je sais du livre pour l'instant. Non, ça, tout ça, ça doit être aussi comment Foxconn est géré, puis toute la chose, là. Fait que... Non, c'est vraiment à propos de Apple aux États-Unis et non pas à propos des trucs de Foxconn là, qu'on a entendu en long et en large là, les dernières semaines. Là, c'est vraiment au niveau des secrets de Apple, pourquoi ils sont si secrets, pourquoi bon tout ça. Ouais, fait que ça va être un. Ouais, c'est ça. Fait que. Je pense que l'ami c'est Tiguido, il est en Europe, c'est pour ça. Mais c'est bizarre avec un nom, c'est Tiguido. C'est Tiguido. C'est Tiguido. C'est Tiguido. Ah ouais. C'est Tiguido. Ben, nous autres, pour. En tout cas, pour répondre à M. Michel Henry sur le chat, moi je paye. C'est Tiguidou. C'est ça. Désolé. Moi, je paye. Je paye combien, là? Pour mon Internet, ça, dedans? C'est 60. En tout cas, j'ai comme une grande gueule, fait que je paye pas trop, là, mais bon, parce que ça fait longtemps que je suis avec eux autres. Mais de base, je pense qu'il est 69,95 le TGV 30. Fait que ça vaut. Chez Vidéotron, on s'entend. Chez Bell, je sais pas combien ça serait, là. Mais. C'est ça. Mais c'est vraiment. Vérifiez vraiment votre connexion parce que vous payez pour rien puis vous avez justement un problème. Fait que. Mon Wi-Fi me donne seulement 6,50 sur Speedless, mais en RJ me donne 30. Ben, premièrement, en Wi-Fi, ça serait. En 6,5 en Wi-Fi sur un Speedless, mais en RJ. C'est quoi le routeur? Ouais, c'est ça. C'est pas normal, là. Parce que les derniers routeurs de le Cisco, mais quel modèle? Moi, je pense que j'ai comme Dominique Duval au niveau de mon Internet. Ouais, lui, il y a commercial. Là, le cheveu, c'est 500 gigs, ça se fait pas. À part si c'est commercial. Un TGV 500 gigs, moi, ici. Niveau du routeur de M. Paquin, là, je sais pas qu'est-ce que c'est exactement. Les derniers routeurs, en tout cas, de la part de Apple, font du 450 mégabits. Donc, divisé, ça va ça va clairement vous donner le 30 mégabits. Mm. Mais sinon, 6 x 8, c'est 50. 6 x 8, 6 x 8, 40. Ça fait, 6 x 8, ça fait 50 mégabits. Oui, c'est ça. Ça, fait, ça doit être encore du 54... 54G. Oui, 50... ouais, c'est ça. Là, c'est un WRT300M. Des fois aussi, sur des routeurs, il y a des... pas des registres, mais des requêtes qui sont demandées. Puis des fois, il y a des problèmes avec ces requêtes-là. Donc, je te fais un reset, voir si ça fonctionne, si ça répare. Des fois, il y a des bugs, justement, sur un routeur. Si tu vois qu'il bug souvent, justement, à cause des requêtes qui sont reçues et envoyées du routeur. Ah, il est cool, le petit routeur. Moi, les routeurs de Cisco, dernièrement, on m'a dit que ça causait beaucoup de problèmes. Là, depuis 10.7, là, qui agit là, comme un gros bully avec... avec certains routeurs. Là. Personnellement, je préfère toujours installer des routeurs Apple pour m'éviter des problèmes avec les produits Apple, au moins. Là. Mais ça date quand même, ce routeur-là? Oui, ben, c'est un 300. Là. C'est du G? Je pense, non, c'est du M. C'est du M, oui. Mais c'est probablement les premières générations de N. Puis le 300 ne veut pas dire que ça va à 300 mégabits. Non, ça va probablement à 150 divisé par 8. Donc, ça donnerait... ça devrait quand même aller jusqu'à 16 mégabits. Mais il y a peut-être quelque chose là, qui l'empêche. Puis peut-être qu'ailleurs, dans la maison, il y a un autre périphérique sans fil qui est connecté puis qui ralentit la vitesse aussi. Oui, parce que c'est pas normal que vous faites 30 mégabits en fil puis 6.5 en Wi-Fi, là, parce que moi, je viens de faire un test, puis j'ai 30 mégabits en Wi-Fi avec ma time capsule. Là, fait que, en plus que je suis en train de faire du chat, du Skype avec la vidéo, que je garde encore mon 30 mégabits, fait que c'est quand même une bonne petite machine. Mm-hmm. Asus, il y a quelqu'un qui nous a proposé le Asus RT-N56U. Donc, c'est un cute petit routeur. Mais si vous n'avez pas de routeur en ce moment ou que vous pensez changer, moi, ce que je suggérerais peut-être, ce serait d'attendre la sortie des routeurs AC, qui va arriver un petit peu plus tard dans l'année et qui va être capable de transporter jusqu'à 1.2 gigabits là, au niveau du Wi-Fi. Ça va être marrant. Il faut avoir l'ordinateur avec la carte Wi-Fi dedans ou en rajouter une dans son propre ordinateur. Oui, c'est ça. Fait que ouais, parce que sinon, ça ne marchera pas. Là. C'est comme c'est pas la technologie N, mais pas en tout. Là. Fait que ça va être sûrement sur les prochains, pas cette année, mais sur l'année prochaine, d'après moi, les prochains ordinateurs. Là. À moins qu'Apple nous fasse une surprise qui nous sorte ça, mais ça me surprendra encore parce qu'il n'y a aucun routeur qui sont sortis de la version 802.11 AC. Fait que... Je sais qu'ils veulent y aller quand même rapidement, là, vu que les iPhones, iPad se synchronisent en Wi-Fi. Pour ce qui est des nouveaux ordinateurs, là, on nous pose la question des fois. On ne sait pas vraiment les dates qu'il y a sur les dates qu'on reçoit en nouvelles ou en rumeur, c'est vers la fin du mois d'avril pour l'instant. Oui, c'est ça. Là, moi, je me suis fait reprocher quand j'ai changé mon MacBook Pro. Mais là, pourquoi t'as pas attendu? Puis ben parce que j'avais besoin d'un ordinateur et je m'en fous. Ah, voilà. Tu sais, je veux dire, mec, j'achète mon SSD, là, votre AV Bridge, là. Tu sais, fait que... T'sais, c'est comme Vincent, il a changé son SSD la semaine passée, puis quoi, tu changeras pas ton ordinateur tout de suite, là? Non, c'est pour ça, en fait, j'upgrade un peu mon ordinateur parce que j'ai pas trop l'argent en ce moment, là. Les études vont coûter un peu plus cher cette année. bon, on commencera pas là-dessus, là. Fait que, Alexandre, oui, les routeurs Apple coûtent plus cher, mais c'est quand même de... très bonne machine. Là. C'est ma deuxième time capsule que j'ai ici. Et j'ai aussi un Airport Express. Puis, moi, vous dire que... Il y a des fonctionnalités qui auraient dû avoir dans le Airport Extreme, des fonctionnalités avancées. Oui, le QoS, par exemple, celui-là, je la comprends pas, là, qu'il l'aille pas. Ça aurait pu être intéressant. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là? En tout cas, il y a deux, trois trucs qui auraient pu être intéressants, mais en même temps, Apple voulait garder ça simple, j'imagine. Non, si on regarde en fait ça... les routeurs les plus coûteux du côté de D-Link ou de Linksys, c'est pas mal équivalent avec ce que Apple offre. Là. Faut pas oublier que c'est un gigabit routeur. C'est un 450 mégabits dual band. Donc voilà. Pour répondre à Eric, s'il y a juste des PC dans la maison, la time capsule va fonctionner quand même là. Je veux dire, elle va fonctionner la même chose là. J'ai l'ordinateur à mon chum ici, c'est un PC, puis il est même pas filaire là. On l'a mis Wi-Fi parce qu'il venait avec une carte Wi-Fi. Puis je l'ai branché sur la time capsule, puis il roule super bien là. Fait que même une time capsule, vous pouvez installer le logiciel, puis après vous choisissez, mettons l'application dans Windows pour le backup, et vous sélectionnez le time capsule, il va vous faire vos backups là. Fait que c'est la même chose là. Fait que c'est ça. C'est surtout le dual band là maintenant qui est vraiment bien là. C'est avant, la première génération n'avait pas. C'était juste simple band là. Je sais pas comment on l'appelait ça avant là, mais depuis les dual band ça roule là. Fait que c'est ça. Bon, voilà. Ben messieurs, on a fait 1h25 environ. Fait que pas mal de tours. Oui. Puis, la fatigue m'accable pour ma part. Messieurs, on va mettre fin à ce show. Mais avant, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les internets? Moi, on peut me retrouver à JFROI 1979, comme Vincent vient de mettre sur l'image du chat. Ouais, on l'a mis à l'exprimo, on l'a mis en même temps. Oh, excusez. Hey, hein, vous êtes connectés, les gars. Là, c'est pas de bon sens. Moi, on peut me trouver sur Twitter à DEVVMiller ou via mon site web vmiller.ca pour ce qui est du développement d'applications iPhone, iPad. Vous avez des projets, écrivez-moi. Là. Vous voulez savoir comment ça se passe, là, pas de problème, écrivez-moi. Parfait. Pour ma part, j'ai un petit commerce de vendeur de cagoules sur Sainte-Catherine et je fais des affaires d'or en ce moment. Vous pouvez aussi me retrouver sur... Carré rouge, puis avec poivre de Cayenne rouge. Inclus. Voilà. En fait, j'ai appris un super truc cette semaine. Il paraît qu'ils utilisent du Malox pour se mettre autour des yeux. Ah, t'as écouté tester sur des humains, hein? Je sais pas. Non, j'ai entendu ça ailleurs, mais il semblerait, en fait, que le Malox sur les yeux, quand tu te fais sprayer de poivre de Cayenne, ça annule, tu sais. Ouais. Ou bien, tu t'es déjà fait fondre les yeux avec le Malox, fait que le poivre de Cayenne a comme plus d'effet, là. Je... Tu vois pas rien, là. Manière, ça, mais en tout cas, parce que lundi, à tester sur des humains, puis ouais, il a fait le test. Ils ont vraiment sacré du poivre de Cayenne d'en face, puis il a pris du Malox, puis ça l'a mis dans les yeux, puis ça a l'air que ça allait aider. Il a eu un peu mal, là. Mais faut dire aussi que ce que je savais pas, par exemple, c'est que le poivre de Cayenne que vous achetez au surplus de l'armée est plus fort que celui que la police utilise. Ah, OK. Fait que, mais elle, ce qu'elle avait essayé lundi, c'est celui du surplus de l'armée qu'ils ont essayé. Fait que c'est pas celui de la police. Mmh. Oui, c'est vrai que, comme Alexandre, il dit, il pleurait sa mère en maudit. Exactement, parce qu'on dirait qu'il avait fumé un gros bat, là. C'est clair. la semaine prochaine, j'ai entendu qu'elle allait faire le taser dessus. J'aimerais savoir ça. je pense que je vais tweeter ça, André Robitaille, cette semaine. Oui. Ça va être une bonne idée. Pour ma part, vous pouvez me trouver aussi sur Twitter au Alex Cornelier. Et si vous êtes tanné que votre mère vous appelle tout le temps pour vous demander de l'aide sur son Mac, vous pouvez lui dire « Hey, maman, appelle Mac Québec, ils vont venir t'aider à domicile. » Donc, pour le Mac. J'ai eu quelques appels, d'ailleurs, cette semaine grâce à Mac Québec. Peut-être un ou deux. Moi aussi, je me suis fait contacter cette semaine pour du développement. Oh yeah! Des questions, ouais. Tu vas pouvoir nous montrer ça dans les prochains mois. Ben, c'est des questions, mais ouais, effectivement, ça se peut très bien. Ouais. Excellent. Ben, messieurs, on se dit à la semaine prochaine. Ça va être un podcast Mac Québec suivi d'un amateur de Mac. Bonsoir. Oui. Salut. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.